nzambe na bomoi kala eyano ya ba oyo tolandi yo nkolo eloko moko te ekokabola biso na yo sika te miso na biso etombola makaka epai na yo mopesi ngeyano solo yaya mokota yake epai na yo bongo azonga maboko pamba yesu e yawe kumama Mama, Eliganga, oh Yesu, Eliganga, Zalise, yo, Mote, Malangane, yo, Mtome, Makaposi, Makayangoli, Kubosu, Namika, Katano, Yosu, hey, Napole, Mbate, Yolonga, Mbate, Yolonga,